Malfra, Etir, Arco, DJ H, Rythmo de la Noche. Faudra du temps pour me comprendre, pour m'entendre frère. Faudra laisser le temps faire, comme dans chaque affaire où je me pose, me propose. Si t'as pas de patience, lâche l'affaire. Dans la rue, on est des tonnes à rien faire, rien t'étonne. Jusqu'à temps qu'un des tiens arrête bourré, passe sous un 35 tonnes ou passe 25 ans en tôle. 20 ans que je zone dans la zone, à me poser les mêmes questions, à proposer les mêmes actions. Mauvais garçon, mauvaise action, mauvaise intégration, mauvaise situation. Pour des filles, des garçons qui ne méritaient pas ça, qui ne méritaient pas ça. Faudra du temps pour me comprendre, que je t'apprenne comment les comptes se rendent pour les comptes ce monde. Comment les comptes se rendent pour les comptes ce monde. Quand le ciel te tombe sur la tête, quand nos bâtiments tu s'écroule, quand la famille n'est plus là, quand la jeunesse a l'épaule. Faudra du temps pour le comprendre. Bouleversés sont nos âmes, on avance dans la paix. Quand le ciel te tombe sur la tête, quand nos bâtiments s'écroule, quand la famille n'est plus là, quand la jeunesse a l'épaule. Faudra du temps pour le comprendre. Bouleversés sont nos âmes, on avance dans la paix. A chacun son cache-misère. Faudra du temps pour me refaire, pour sortir de ce délire où je m'enferme. J'ai gardé le sourire, même le moral par terre. Faudra du temps pour me comprendre, surtout si on parle pas la même langue. J'ai des questions qui m'étranglent. Faudra un peu de rage, beaucoup de courage pour tenir les prochains virages. Faudra plus que des années pour comprendre ce coup d'état sans s'armer. Et j'attends que le temps m'en guérit. J'en cacherai mon appétit pour pas faire souffrir les plus petits. Moi je te le dis, je te redis. Faudra du temps pour que je me reconstruise. Loin des soucis, donc je le reste avec quelques amis. En n'oubliant pas que les anciens ont connu la cérémonie. Faudra du temps pour sortir mon cœur du tamis. Et que je me repentisse avant que tout ça se termine. Quand le ciel te tombe sur la tête, quand nos bâtiments s'écroulent, quand la famille n'est plus là, quand la jeunesse a l'épaule. Faudra du temps pour le comprendre. Bouleversés sont nos âmes, on avance dans la paix. Quand le ciel te tombe sur la tête, quand nos bâtiments s'écroulent, quand la famille n'est plus là, quand la jeunesse a l'épaule. Faudra du temps pour le comprendre. Bouleversés sont nos âmes, on avance dans la paix. Je me suis livré à une femme, des associés, des amis, à me retrouver avec des grammes de sensi, incompris de mes habits, à mon mode de vie, mes envies. Certains ne vont jamais me comprendre, à vouloir être numéro 1, croyaient que j'étais dans leur bande, leur move de putain, qui veulent que vendre pour avoir de la maille des catins. Non pas pigé que c'était par passion, pas pour des ronds, que je fais ça à fond. Je t'ai dit je t'aime, j'aurais dû te faire tourner. Je t'ai dit enchaîne, t'as joué défoncé. Et vu que je jette, je compte pas contourner. J'étais sérieux, très peu m'ont cru, ça m'a déçu. Rendu furieux et tendu dans mes yeux, cette vie de mi-mère. On a tout à perdre, c'est chacun sa mère. Bah je préfère la beuh, le son, le seum, toujours. À fond au maximum un jour, ils comprendront que je suis un bonhomme quand viendra mon cours. Quand le ciel te tombe sur la tête, quand nos bâtiments s'écroulent, quand la famille n'est plus là, quand la jeunesse a l'épaule. Faudra du temps pour le comprendre. Bouleversés sont nos âmes, on avance dans la paix. Quand le ciel te tombe sur la tête, quand nos bâtiments s'écroulent, quand la famille n'est plus là, quand la jeunesse a l'épaule. Faudra du temps pour le comprendre. Bouleversés sont nos âmes, on avance dans la paix. Quand le ciel te tombe sur la tête, quand nos bâtiments s'écroulent, quand la famille n'est plus là, quand la jeunesse a l'épaule. Faudra du temps pour le comprendre. Bouleversés sont nos âmes, on avance dans la paix. Quand le ciel te tombe sur la tête, quand nos bâtiments s'écroulent, quand la famille n'est plus là, quand la jeunesse a l'épaule. Faudra du temps pour le comprendre. Bouleversés sont nos âmes, on avance.